Et l'or. Dans des soirées solitaires, tu visiteras la géographie de notre lien. Quel lieu choisiras-tu parmi tes brefs plaisirs? Ce rocher fendu sur une plage de Giron. La neige qui couronna tes cheveux près des chutes du Niagara, ou l'océan qui rugit lorsque nous nous enlaçâmes à Lisbonne. Une alcôve coloniale entre deux mers où les bombes sortirent de ton cours d'anglais. Ce sont les vastes montagnes et les vallées, progéniture d'une imagination façonnée dans le bonheur. Lieux idylliques qui jamais ne meurent chez les poètes, ce que mes vers embaument. Et dans le cruel tourbillon de tes engagements, qui aurait meurtri ta raison, car en t'aimant, j'ai sacrifié ce qui m'était le plus précieux, ma raison. Ce qui m'était le plus précieux, ma raison.